Maintenant tu fais que tu l'es. Non, non, t'es pas un tirard. Tu mérites pas cette fille-là. Elle est bizarre cette fille-là. Mignonne mais pas trop fiable. Ça fume le poison. Je suis avec mes rats. Ça boit la potion. Ça veut le Panamera. Wesh, wesh, move them. On baisse tout, y'a plus rien de bizarre. Loin de la misère, des vélos qu'on peut pas se diguer. Alors l'allemand, qu'est-ce que tu rêves? Ça se passe tranquille, mon frérot. Par ici, qu'est-ce qui se passe? On court tous derrière l'euro. Alors l'allemand, qu'est-ce que tu rêves? Ça se passe tranquille, mon frérot. Par ici, qu'est-ce qui se passe? On court tous derrière l'euro. Non, non, t'es pas.